suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur notre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est la Vampire Freak, c'est Spike, l'émission Spike, les bargains entre salons. C'est la 127e et c'est l'avant-dernière de la saison. Alors, je vous ai programmé quelque chose de sympa. Il y a plein de nouveautés, il y a des exclus, beaucoup d'exclus et pas mal de choses qu'on redécouvrira à la rentrée. On commencera tout de suite avec Fry Heights, justement une nouveauté de Stomper 98. C'est sur l'album Alter Gebracht. C'est sorti le 30 mars 2018. On retrouve le morceau Skinhead, Skinelder et Alterfriend. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. On écoutera une autre nouveauté, Rats, de nouveau Ghost. C'est sur leur dernier album, La Préquelle, sorti le 1er juin 2018. On retrouve Ashes, Face et Witch Image. On continuera ensuite avec l'instant présent de Spread Like, et c'est sur leur deuxième EP, 6 titres, Brève Rencontre, sorti en 2016. On retrouve Une chose est sûre, Il pleut, Brève Rencontre, Je veux et plus. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Dark and White, le nouveau Hypnotic Drive. C'est sur leur album Full Throttle, sorti le 14 juin 2017. On retrouve Five Regrets, Subway Preacher et Thunderstorm. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Ils enregistrent leur deuxième album, des nouvelles très vite, parce que je pense qu'il sortira à la rentrée. Et on finira ce bloc en live, avec Border de Grégory Isaac. C'est sur l'album Cool Ruler, sorti le 15 juin 1978. On retrouve Native Woman, One More Time et Don't Pity Me, du son culte. Das höchste Gut auf diesem Stückchen Erde ist das freie Wort, für das ich sterbe. Den Gegenwind nehme ich in Kauf. Mit erhobenem Haupt halte ich es aus. Ich bin die Freiheit, ich sage, was ich denke. Ich bin die Freiheit, es lohnt sich für mich zu kämpfen. Ich bin die Freiheit, mehr als nur Papier. An sich selbst zu glauben, ist gar nicht schwer. Meine Feinde, sie sind schwach. Verstecken sich hinter ihren Schild auf Hass. Sie halten sich dort gut versteckt. Doch ich stehe hier wie ein Felsen fest. Denn ich bin die Freiheit. Ich sage, was ich denke. Ich bin die Freiheit. Es lohnt sich für mich zu kämpfen. Ich bin die Freiheit. Mehr als nur Papier. An sich selbst zu glauben, ist gar nicht schwer. Musik. mich nicht in Ketten legen. Werde mich immer gegen ihre Fesseln wehren. Wir sind die Freiheit, wir sagen, was wir denken. Wir sind die Freiheit, es lohnt sich für uns. We'll be right back. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques. Très bon son maison. Vampire Freaks, ça arrache. No more. Treat fools solid, can't stand it. Vous êtes toujours dans la 127e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Fry Height, le nouveau Stomper 98, Rats, le nouveau Ghost, l'instant présent de Spread Like, Dark and White, le nouveau Hypnotic Drive, et on a fini ce bloc en live avec Border de Grégory Isaac. On continuera cette émission avec une nouveauté à l'endroit de Néophyte, c'est sur leur album Vue d'ensemble qui vient de sortir. On retrouve Dans les vignes, Caméra Obscura et Trompe-l'œil. Je les adore, leur album est excellent, on les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec une nouveauté et même une exclusivité. La chanson s'appelle Rights and Acts et le groupe s'appelle Blackout Arises. L'album sortira au mois de novembre prochain. On les retrouve sur Facebook et YouTube. Des nouvelles à la rentrée prochaine. On continuera avec une autre nouveauté, Il n'y a plus de pain, le nouveau Chapaquai. C'est sur l'album Il n'y a plus de pain, sorti en 2017. On retrouve Elle, La Bonne Étoile et Les Chiens. C'est un très bon groupe de ska rock festif. Ils préparent un album qui doit sortir cet été, des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, ils cherchent des dates pour cet été, contactez-les. Ils ont aussi un site à eux, chapaquai.com, et il y a toutes les infos dessus. On écoutera ensuite Propaganda de Slaker, c'est sur l'album Peculiar, sorti le 21 février 2006. On retrouve Peculiar, What Went Wrong et Keep It Simple. J'ai ouï dire dans une interview qu'ils préparent un album. Faudra des nouvelles très vite. Je vais essayer de vous trouver ça. Et on finira ce bloc en live avec Holy Man de Lita Ford. C'est sur l'album Dangerous Curves, sorti le 12 novembre 1991. On retrouve Sort of Poison, Black Widow et The Little Black Spider. Yeah.

c'est la merde. La dernière fois que je suis parti à la pêche, au bout de mon hameçon, il y avait un époux. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Même avec une tranche de saucisson, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, non, non. Peut-être un peu plus malin, histoire de ne pas se poser la question chaque matin. Mais de quoi sont faits nos festins? Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain, non, non, non, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain, non, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain, non, non, non, il n'y a plus de pain. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Now let me tell you some people. I don't know what you've been seeing on your television sets, but back in New York City they've been showing us a lot of bullshit. Just scheming. They tell me who's my enemies and who's my friends, and I'm not sure that I believe them. The street side posters, they're encouraging me peeping. Well, to report my local terrorists and the company they're keeping. Propaganda. It's everywhere I go, it's propaganda. In my paper, racial prisoner who's one. garages, secret meetings in taxi cab garages. Propaganda. It's everywhere I look. It's propaganda. It's just like in history books. Propaganda. Vous êtes toujours dans la 127e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter à l'endroit le nouveau néophyte Right and Axe, la nouveauté et l'exclusivité de Blackout Arises. On a eu ensuite Y'a plus de pain, le nouveau Sapakwai. Il y a eu ensuite Propaganda en live des Slakers et Holy Man en studio de Lita Ford. On continuera cette émission avec une nouveauté et même une exclusivité, c'est Shell Shock. C'est un single d'un EP à venir dans l'été. Le nom du groupe c'est Holy Fallout. Ça m'a été envoyé du côté de Belfort. Merci Flo. Et on les retrouve sur la page Facebook et des nouvelles très vite. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Daniela de Fast and Furious. Et oui, c'est une cover d'Elmer Fruitbeat. C'est sur l'album 10 ans plus tard qui vient de sortir. Ils cherchent des dates pour cet été. Contactez-les. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite un bon classique, hein, je dirais même du culte, Lamla Bam Bam de Kongos. C'est sur l'album Art of the Kongos, sorti en 1977. On retrouve Kongoman, The Wrong Thing et Solid Foundation, du son reggae culte. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, Chick Death. C'est le nouveau Sandy Trash, c'est sur l'album Le French Peep Show, sorti en avril 2018. On retrouve Mickey featuring Marcel Van Tilt, Destroy Idol featuring Shazula, Poison Escalator avec Claude Pervy. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce blog en live avec Jen Says de Jen Addiction. C'est sur l'album Jen Addiction, leur premier album sorti le 15 mai 1987. On retrouve Piggin Zen, My Time et Cheap Wrong. Un classique de chez classique.

for 30 pieces of silver. They sold Jaraska, and why did they do that? Émission radio où Spike débarque dans votre salon. À toute allure. Votre mission, découvrir et détruire la fusée du professeur Snix. Vous appelez la stase de survie. C'est l'amour. Je danse à 100 en complet. let's get this fucking party over so we can get into the next motherfucking party, right, New York? Let's go, baby. Let's go. Let's give it to them. And she waits and gets up. bad family reunion, right? Buenas, Alexio! Vous êtes toujours dans la 127e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Shell Shock, le nouveau et l'exclusivité de Holy Fallout, Daniela, le nouveau Fast and Furious, Lala Bam Bam de The Congos, on a eu ensuite Chic Death, le nouveau et l'exclusivité de Sandy Trash, et on a fini ce bloc en live avec Jane Says de Jane Addiction. On continuera cette émission avec Abby Nivisha. C'est une nouveauté, c'est l'exclusivité même de Mobius. C'est le premier single d'un album qui sortira cet été, des nouvelles très vite. On a le temps, mais je vous annonce déjà qu'ils seront au Shadrach Metal Fest le 23 mars 2019. Et nous sommes fiers de les accueillir au Puy-en-Velay. On écoutera ensuite Nowhere City Home. C'est une nouveauté, même une exclusivité de Foxhall. C'est sur l'album Glitters, enfin leur premier EP, Glitters and Napalm, qui vient de sortir. On retrouve Epitaph and Caesarine, Hospitality et Humans Don't Give a Fuck. Allez sur la page Facebook, ils sont sur YouTube, contactez-les, ils cherchent des dates aussi, c'est un excellent EP. Contactez-les sur la page officielle Foxhall. On continuera avec une autre exclusivité et une autre nouveauté, Cause I Love You, des Soucoupes Violentes. C'est sur un EP qui vient de sortir, London Girl, un EP 3 titres. Ils préparent un album qui sortira cet été. Et oui, vous serez gâtés à la rentrée, il y aura du très très bon son. Allez sur la page Facebook des Soucoupes Violentes, ils sont sur YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Je suis libre et je t'emmerde de Dirty Old Matt. C'est sur l'album Vieux Frangin, sorti en 2017. On le retrouve sur la page Facebook Bandcamp de Dirty Old Matt, et pour du son, contactez-les, on les retrouve aussi sur YouTube. Et on finira ce bloc en live avec Le Comptoir de Réglisse. C'est sur l'album Vive les Gestes, sorti le 3 septembre 1992. On retrouve Vive les Gestes, Jamadoc et Mets de l'huile. Yeah. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. danser dans les salles de concert, chanter le poing levé et me niquer les oreilles. Je marchais librement et gueulais dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con dans les chiottes du métro sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis pas bien, je voudrais être sourd que d'entendre la haine enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. Pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici. Je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Reparle-moi de ta sœur, reparle-moi de l'épicière, de son chien. Embarque-moi de Baudelaire, reparle-moi de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Oublie ta banane et ton crâne rasé. Laisse ton manteau de fourrure à l'entrée. Oublie ta couleur, viens, viens t'asseoir à mes côtés. Reparle-moi de ta mère, reparle-moi de ta sœur. Reparle-moi de l'épicière et de son chou-fleur. Reparle-moi de Baudelaire, reparle-moi de toi. Vous êtes toujours dans la 127e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Abini Vesha, le nouveau Alexion Mobius et en exclusivité dans Vampire Freaks. Nober City Home, la nouveauté et pareil exclusivité de Foxhall. On a eu ensuite Cause I Love You, la nouveauté et pareil l'exclusivité de Soucoubiante. Merci à Mobius, Foxhall, Blackout Rises, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a qui vont venir encore après derrière. Donc on a eu ensuite Je suis libre et je t'emmerde de Dirty Old Matt. Et on a fini ce bloc en live avec Le Comptoir de Réglisse. On continuera cette émission en live avec Case of Shakes de Dr. Feelgood. C'est aussi le titre de cet album de 1980. On retrouve Going Someplace Else, Violent Love, Rise Me et Wide, un classique de ces classiques. Justement, on parlait d'exclusivité, on va écouter ensuite Zmen, le nouveau est pareil, et c'est une exclusivité de Jean Bomber, c'est sur leur deuxième EP, Sourire Exigé, 6 titres, ils aimeraient sortir un CD, mais si vous faites du mécénat, contactez-les, sur leur EP, on retrouve Afous Afous, Kamagul, Zmen, Mouima, Big Up, et Boudi. On les retrouve sur Facebook, YouTube, le clip de Zmen vient de sortir. On sont aussi sur les plateformes numériques. S'il vous plaît, contactez-les parce que c'est un groupe. Ils ont gagné un tremplin à Marrakech et ils commencent à être connus à peu près internationalement. Donc c'est sympa pour eux quoi. On continuera ensuite avec Il faudra bien des Vex. C'est sur leur EP 4 titres État d'urgence. Sorti en 2017. On retrouve État d'urgence, ces amants-là. Je comprends plus. Et Il faudra bien. Pareil, j'ai entendu causer qui bossait sur un album, des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook des Vex, on les retrouve aussi sur Bandcamp, sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. On continuera cette émission avec une nouveauté, J'avance, le nouveau Eric Arma. C'est sur l'album Citoyen du Monde, sorti le 6 octobre 2017. On retrouve Éternel, Ici et Maintenant, featuring Generation, et Droit Devant, entre autres. Allez sur la page Facebook de Eric Arma, il est aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live et en vinyle avec The Clairvoyant de Iron Maiden. C'est sur l'album A Real Live One, sorti le 22 mars 1993. On retrouve Be Quick or Be Dead, Can I Play with Madness et Bring Your Daughter to the Slaughter. This is a final track from our new LP, ladies and gentlemen. It's called A Case of the Shakes. Shakes, kiss of the shakes. Make my daughter when you fumble the wide. Baby, gotta know the classic kiss of the shakes. Getting out of bed and you just can't stand. Stir my coffee with a shaky hand. Got a kiss of the shakes. Kiss of the shakes. Make my daughter when you fumble the wide. Baby, gotta know the classic kiss of the shakes. Listen, baby, now listen good. Kiss of the shakes, kiss of the shakes. Make my daughter when you're bubbly wide. Baby, gotta know the classic kiss of the shakes. Hey, we go crazy now. واحد غادي واحد جاي واحد مهني واحد سربان ما انا فين راني في هاد الزمان واحد نعس واحد خدام واحد دخر واحد قدام ما انا فين راني في هاد الزمان واحد صايم واحد سكران واحد غاضب واحد فرحان ما انا فين راني في هاد الزمان وما انا فين راني في هاد الزمان وما انا فين راني فهاد الزمان كيف ما كنتي يا الإنسان Il y a ceux qui croient en l'humain et ceux aux intentions douteuses. Il y a ceux qui ont le fouet en main et ceux qui creusent. Il y a ceux qui vivent de pas de course, ceux qui salivent devant la bourse. Puis il y a nous, pour ne pas dire tous. Puis il y a nous, pour ne pas dire tous. Puis il y a nous, pour ne pas dire tous. Il y a ceux qui se battent sur le terrain, ceux qui commentent sur la touche, ceux qui prennent place à coups de surin, parés à vendre la peau de l'ours. Puis il y a nous, pour ne pas dire tous. Puis il y a nous, pour ne pas dire tous. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Le jour se lève au milieu de l'hiver, quelque part entre ciel et terre, le cri d'un enfant ébloui par la lumière, les larmes de joie sur les joues de sa mère, une enfance tranquille au milieu des chênes, des parents aimants et les saisons s'enchaînent, havre de paix avant que la tempête se déchaîne, déjà le sentiment qu'un jour je briserai mes chaînes, on m'a appris à ne pas reculer, même quand c'est difficile, ne jamais abandonner. On m'a dit petit, la vie rude, faudra t'accrocher. Je n'ai pas oublié, j'avance. J'avance avec espérance. Depuis l'école, j'aspire à sortir du rang. Automate au quotidien, je me suis senti sur le bord. Bientôt je mènerai ma barque, je veux vivre pleinement, tracer ma propre route, oui j'ai ça dans le sang. Apprendre à faire et apprendre à réfléchir, apprendre à défaire pour mieux reconstruire. Respecter mes savoirs aussi, désobéir. Il y a tant de choses à changer, tant de lignes à franchir. Des échecs plus d'un, j'en ai subi. Certaines épreuves, je ne me suis jamais remis. Dans la douleur, j'ai pleuré, j'ai fui. Sois fort, c'est ce qu'on m'a dit. J'avance, le temps passe et j'avance. Rien ne s'efface et j'avance. Le temps passe et j'avance. On vient de s'écouter Case of Shakes en live de Dr. Feelgood, Zmen, le nouveau et l'exclusivité de Jean Bomber, Il faudra bien des Vex, J'avance, le nouveau Eric Hama, et on a fini ce bloc en live et en vinyle avec Iron Maiden et The Clairvoyant. 727e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Donc la semaine prochaine, dernière de la saison, mais vous inquiétez pas, hein, je reviendrai bien au mois de septembre, hein, je peux même vous dire la date, hein, aux alentours du 5 septembre, j'ai besoin d'un peu de repos, et donc du coup on finira cette émission avec No Comment en live de Serge Gainsbourg, c'est au Casino de Paris 1985, on retrouve là on the beat, et Nazi Rock, et c'est mon album préféré de Gainsbourg. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission où radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Peu importe l'affirmatif, ce que je préfère, c'est l'affirmatif.